La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les cabinets de curiosité et l'imaginaire. Les cabinets de curiosité étaient des pièces ou parfois des meubles où étaient entreposées et exposées des choses rares, nouvelles, singulières, pour reprendre la définition du Littré. On y trouvait un mélange hétéroclite comprenant des pierres plus ou moins précieuses, des animaux empaillés, des fossiles, des serpents en bocaux, des coraux, des plumes, des insectes séchés, des coquillages, des squelettes, des masques, des statuettes, des cornes, des dents, des herbiers, des sarbacanes, des antiquités, des œuvres d'art, des instruments scientifiques, par exemple des loupes ou des boussoles. En bref, les cabinets de curiosité étaient des bric-à-brac. L'une de leurs fonctions était de faire découvrir le monde, surtout le monde lointain dans le temps et dans l'espace. Il s'agissait de mieux le comprendre ou, au contraire, de confirmer certaines croyances de l'époque. On pouvait notamment croire y voir des restes d'animaux mythiques, des cornes de licorne par exemple. De là à dire qu'on y pratiquait un amalgame entre science réelle et fausse science, il n'y a qu'un pas, dont on doit se demander s'il faut le franchir ou non. La question est en somme, quel lien y a-t-il ou n'y a-t-il pas entre curiosité et connaissance? Pour discuter de cette question, j'ai deux invités. Le premier est Éric Poindron, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes écrivain, éditeur, vous animez la collection Curiosa, etc. pour le Castor Astral. Vous êtes par ailleurs, ou en même temps, je ne sais pas ce qu'il faut dire, collectionneur et gardien attentif d'un cabinet de curiosité. Mon second invité est Thierry Beauchamp, bonjour. Bonjour Étienne, enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes traducteur spécialiste des littératures irrationnelles et par ailleurs collaborateur de notre émission. Voilà. Éric Poindron, vous avez un cabinet de curiosité, à quoi ressemble-t-il? En vous écoutant faire la description, le lancement de l'émission, je me disais, mais c'est chez moi, ça. Je crois qu'il n'y a aucun objet que vous avez cité qui soit exempt de, ou absent de notre maison. Vous avez des sarbacanes? J'ai des sarbacanes, même des sarbacanes qui servaient effectivement à tuer les singes avec des espèces de curares ou équivalents des singes dans l'Himalaya. Oui, oui, j'ai des sarbacanes. Et vous, Thierry Beauchamp, vous avez des collections chez vous? De moutons, de nids de poussière sous le lit et entre les livres. Alors, quel est le lien entre ces cabinets de curiosité et la science? Descartes en a parlé, je le cite, « Les hommes sont poussés par une curiosité si aveugle que souvent ils dirigent leur esprit dans des voies inconnues, sans aucun espoir fondé, mais seulement pour essayer si ce qu'ils cherchent n'y serait pas. » À peu près comme celui qui, dans l'ardeur insensée de découvrir un trésor, parcourrait perpétuellement tous les lieux pour voir si quelques voyageurs n'y en a pas laissé un. Et donc il propose une méthode afin d'échapper aux effets pervers de la curiosité. C'est drôle que ce soit, j'ai envie de dire, tombé sur Descartes, parce que les restes de Descartes pourraient presque figurer dans un cabinet de curiosité avec ce crâne qui est un des crânes les plus célèbres quand même de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça nous apprendrait? Sur Descartes ou sur la curiosité? Sur la curiosité, sur Descartes pas grand chose. Je sais pas, moi j'écris beaucoup sur les crânes et puis sur la vanité. Je me souviens, j'ai fait un livre qui s'appelait Marginalia et curiosité, où je raconte de manière un peu transversale comme ça l'histoire des connaissances, mais des connaissances improbables, puisque c'est aussi ça le cabinet de curiosité. On est encore loin des sciences exactes, appliquées, avec des affirmations qui très vite vont devenir fausses. Ce crâne, c'est, j'ai toujours l'idée que c'est un humain. Il y avait un humain autour d'un crâne, et puis quand on retire l'humain, il reste cet objet, parce que c'est un objet, un crâne, voilà, qui a perdu absolument toute cette dimension de tissu, de musculaire, d'empathie, d'émotion, de froid, de douleur, de mélancolie, et que ce cerveau qui fonctionnait aussi bien devienne un objet qu'on va simplement dessiner ou sur lequel on va écrire, on va déposer des encres. Ça devient le crâne de Descartes est presque devenu un objet d'art, c'est étonnant. Donc il prend la fonction d'autrefois, les crânes qu'on pouvait découvrir dans les cabinets de curiosité. Et je rebondis sur le mot art. Les cabinets de curiosité apparaissent à la Renaissance, dans la deuxième moitié du 16e siècle plutôt. Et ce qui est très intéressant, d'abord, c'est que la science encore est fondée, la science naturelle est encore fondée sur Aristote. Donc toutes les inventions d'Aristote sont restituées telles quelles, notamment sur tous ces animaux exotiques. l'autre chose, c'est que c'est une période d'essor intellectuel où on commence on associe la technique et la science. C'est le moment où en Europe on découvre l'astrolabe et un tas d'autres instruments. Les mathématiques se développent à grande vitesse. Et le point capital, c'est les liens entre le monde artistique et le monde scientifique. C'est-à-dire les premiers savants, les premiers collectionneurs de squelettes d'animaux travaillent souvent avec des artistes peintres. C'est le développement de l'illustration animale, par exemple. Oui, on n'a pas le choix. Et Étienne disait, évoquait dans sa mise en appétit la corne de licorne ou le rose de licorne. On affirmait au XVIIe siècle encore que la licorne était un animal qui existait, et on pensait que la girafe était un animal improbable ou cryptozoologique. C'est fascinant, cette permutation. Et avec, évidemment, des scientifiques péremptoires. Buffon y compris, d'ailleurs, qui n'avait jamais vu de girafe, mais qui l'a décrit ou l'a fait dessiner d'après des gravures romaines, avec tant et tant d'inexactitude. Et Buffon, c'est d'une certaine manière, c'est le moment où les cabinets de curiosité se déversent dans les musées. Ouais, ils n'ont plus lieu, ou alors ils demeurent chez des gens fortunés, un peu insolites parfois, comme une collection, parce que c'était aussi un signe extérieur de richesse, le cabinet de curiosité du notable en province, mais évidemment, ils ne font plus foi scientifique. Éric Boinon, vous avez une grosse bibliothèque, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là. Est-ce que vous avez dans cette bibliothèque le dictionnaire universel de 1690? Non, j'ai beaucoup de dictionnaires, mais celui-là, je ne dois pas le posséder. Alors voilà comment y est défini le mot « curieux ». Se dit en bonne barre de celui qui a le désir d'apprendre, de voir les bonnes choses, les merveilles de l'art et de la nature. Curieux se dit aussi de celui qui amasse des choses rares, singulières, excellentes, ou qu'il regarde comme telles. Car tous les curieux ne sont pas connaisseurs. Moi, je trouve que c'est une définition d'un humanisme absolu. On appelle science curieuse, ça c'est la suite de la définition, on appelle science curieuse celles qui sont connues de peu de personnes, qui ont des secrets particuliers comme la chimie, une partie de l'optique qui fait voir des choses extraordinaires avec des miroirs et des lunettes, et plusieurs vaines sciences où l'on pense voir l'avenir comme l'astrologie judiciaire, la chiromance, la géomance, et même on y joint la cabale et la magie. N'oublions pas les origines de la chimie. Hein. L'alchimie devenue chimie. Oui, mais là, on parle de chimie, pas d'alchimie. Jolie, très jolie définition, très poétique définition. Bien écrit, bien ouvragé. Mais ce qu'il faudrait peut-être aussi dire, c'est que sur la voie de la connaissance, l'étonnement, la surprise joue un très grand rôle. C'est souvent le premier signe d'éveil. Je sens que vous allez nous parler de la sérendipité. Ah, je crois qu'il vaudrait mieux laisser Éric en parler parce qu'il s'est beaucoup penché sur la question, dans son dernier livre. Non, mais vous le ferez très bien, mais c'est vrai, je voulais rebondir sur justement l'importance des mots étonnement, émerveillement, l'étonnement qui est une espèce d'apprentissage. Ce qu'on peut parfois reprocher aux jeunes étudiants, mais c'est pas du tout une manière de faire un peu de nostalgie, mais s'émerveiller, étudier, un homme étudiant, c'est-à-dire cette contraction du participe présent qui est devenu un étudiant. Et parfois, les étudiants n'étudient plus. Donc, ne plus étudier, se contenter d'avoir des polycopiés ou maintenant des feuilles numériques, empêche l'émerveillement. Et je pense qu'on l'évoquait un peu tout à l'heure. Vous faites une distinction entre apprendre et étudier. Non, je pense qu'apprendre, ça peut être à peu près un tout-va. Apprendre, ça pourrait être justement la sérendipité, mais dans le cas d'un poète, j'entends. Hein, je parle pas d'un scientifique où, on l'évoquait hors antenne, il y a peu d'exemples de sérendipité en science. Il y a des exemples des gens cherchent quelque chose, trouvent autre chose. Mais c'est vrai que chez le poète, en général, si on pouvait définir le poète avec un grand P comme l'humain, donc là on ferait référence à Breton, je crois que Breton pouvait être, surtout dans sa jeunesse, un homme de sérendipité, parce que tous ses sens, y compris des sens supplémentaires qu'on ne possède pas, pouvaient être en éveil, et là on peut recevoir des choses. On évoquait tout à l'heure aussi cette notion de fiction transversale. Moi j'aime bien dire que j'écris des fictions transversales, non pas des romans avec une linéarité absolue, mais qu'on peut à tout instant changer d'époque, convoquer des personnages insolites. Thierry, vous évoquiez les écrivains irrationnels. Je trouve que c'est une très très belle définition de l'émerveillement encore, justement. En tout cas, en littérature, en poésie. Et vous parlez de Breton. Breton avait un appartement qui était un cabinet de curiosité. Ah oui, complètement. Oui, le 42 rue Fontaine était une œuvre d'art. De toute façon, il l'avait conçu un peu comme ça. Il théorisait la trouvaille et il disait souvent que cet homme qui passait son temps à s'interroger et à essayer de s'émerveiller, mais ajoutait que c'était dans ces périodes d'ennui qu'il avait ses révélations, si je veux dire. Et quand on évoquait tout à l'heure justement les sciences, géomancie ou autres, qui aujourd'hui évidemment sont tombées en désuétude, c'est vrai qu'il conférait à chacun de ses objets de sa collection, parce que c'était pas un spéculateur, loin de là, une conscience magique. Il y a d'ailleurs un très beau livre chez Phébus justement sur l'art magique de Breton, qui est extraordinaire. Chaque objet avait une force, avait une charge, avait une énergie, avait un développement qui n'existe pas chez les collectionneurs modernes, où l'instant financier est plus important que peut-être l'aura que peut avoir l'objet, quel qu'il soit, y compris une simple pierre, un caillou ramassé. Alors moi, je voudrais continuer mon fil, si vous le bien, c'est voir comment les cabinets de curiosité ont cohabité, peut-être aidé, parfois pas du tout aidé, la science. Vous avez parlé de Buffon, il a écrit un discours Théorie de la Terre en 1749, dans lequel il souligne l'intérêt qu'il y a à réunir des collections d'objets, mais souligne également la nécessité d'échapper à l'étonnement et de s'élever du particulier au général. Il dit par exemple, il y a dans l'étude de l'histoire naturelle deux écueils également dangereux. Le premier, c'est de n'avoir aucune méthode, et le second, c'est de vouloir tout rapporter à un système particulier. La plupart de ceux qui, sans aucune étude précédente de l'histoire naturelle, veulent avoir des cabinets de curiosité, sont de ces personnes aisées, peu occupées, qui cherchent à s'amuser et regardent comme un mérite d'être mises au rang des curieux. Ces gens-là commencent par acheter, son choix, tout ce qui leur frappe les yeux. Ils ont l'air de désirer avec passion les choses qu'on leur dit être rares et extraordinaires. Ils les estiment au prix qu'ils les ont acquises. Ils arrangent le tout avec complaisance ou l'entassent avec confusion et finissent bientôt par se dégoûter. D'autres, au contraire, et ce sont les plus savants, après s'être rempli la tête de noms, de phrases, de méthodes particulières, viennent à en adopter quelqu'une ou s'occupent à en faire une nouvelle, et travaillant ainsi toute leur vie sur une même ligne et dans une fausse direction, et voulant tout ramener à leur point de vue particulier, ils se rétrécissent l'esprit, cessent de voir les objets tels qu'ils sont, et finissent par embarrasser la science et la charger du poids étranger de toutes leurs idées. C'est des phrases un peu longues, hein. Oui, mais c'est une réflexion typique de son temps, c'est-à-dire le 18e siècle, l'esprit encyclopédique. On est passé à une autre phase des sciences naturelles. On essaie de comprendre, de classifier, de faire entrer toutes ces données éparses et un peu fantaisistes parfois dans un cadre scientifique, en fait, déjà. Mais c'est d'une grande justesse. C'est ce que je disais quand Geoffroy Saint-Hilaire, par exemple, remonte la girafe sur la route. Il est à peu près obligé et sommet d'aller visiter les cabinets de curiosité de province, des notables qui sont dans un signe extérieur de paraître. Et on peut faire entre le cabinet de curiosité ou la bibliothèque la même équivalence entre le bibliophile et le bibliomane ou le bibliopathe, c'est-à-dire celui qui possède les livres pour montrer des reliures, et puis celui qui, plus lettré, va effectivement rentrer dans les textes, dans les études, et puis changer peut-être un peu le cours de sa propre connaissance. Le livre peut être une porte fermée ou une porte ouverte. Ah, un agrandissement du monde. Est-ce que vous connaissez la conchyliologie? Oui, ça doit être l'étude des coquillages, non? C'est l'étude des mollusques à coquilles. Non, je vous dis ça parce que... Tristan Bernard l'Ermite. Lamarck a écrit une définition de ce terme et il parle des cabinets de curiosité dont il fait à la fois l'éloge et la critique. Il note que c'est grâce aux collectionneurs que les scientifiques ont pu voir beaucoup de coquilles, et même des spécimens rares, mais regrette qu'elles soient devenues, ces coquilles, un objet de commerce et un sujet de spéculation pour les négociants voyageurs. Le prix extrêmement élevé par les amateurs de celles qui sont très rares, soit par leur espèce, soit dans leur volume et la vivacité de leur couleur, y ayant donné lieu. En cela, les naturalistes y ont beaucoup gagné, car ils ont eu l'occasion d'en observer un grand nombre, dont, sans cette cause, ils eussent probablement ignoré l'existence. Il dit aussi que ces cabinets ont pour objet l'abusement des personnes oisives qui se bornent à rassembler et placer avec symétrie dans des armoires des coquilles choisies d'après leur éclat et leur beauté et non le progrès de la science. Mais à l'époque de la Renaissance... Ça n'a pas changé que ce soit Buffon ou Lamarck. On a encore ça aujourd'hui avec cette mode. Mais à la Renaissance, on améliorait même, parce qu'il y a toujours cette idée du dialogue entre la nature... Et la technique. Donc, quand on trouvait un très beau coquillage, parfois on le rafistolait. Bah oui, il faut l'arranger. Il y avait ce. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme Buffon, évidemment. Mais d'ailleurs, Lamarck le dit, hein. Il dit, dans cette même définition, les coquilles qu'on y trouve sont souvent dénaturées, voilà, entre guillemets, mutilées par l'art. C'est d'autres siècles, en fait. Mais c'est un autre... Il suffit de voir, effectivement, au cours de Wurtemberg ou ailleurs, tous ces coraux qu'on va relaquer, qu'on va monter et dont on va faire des bijoux. Mais c'est vrai que le que ce soit le coquillage, que ce soit le corail, devient de toute façon un objet aussi esthétique. Chez les princes, chez les rois, dans les grandes cours, on transforme cette instance scientifique en un objet de décoration. Parce qu'il y a cette idée, pendant quand même très longtemps, au Moyen-Âge, on considère qu'il y a un ordre naturel et qui est réglé. Les gens de la Renaissance sont des curieux et ils s'aperçoivent que la nature est imparfaite, pleine de choses monstrueuses, bizarres. Et donc, on va chercher à la fois à réconcilier cette observation du bizarre et l'amélioration des techniques. Et là, on voit des artistes, par exemple, capables de faire des sculptures de dindons dans ses moindres détails, parce que c'est la forme du dindon qui les préoccupe. La recherche de connaissances et la quête de maîtrise technique est jointe, en fait. Ça, c'est des choses qui sont pas compréhensibles, acceptables pour les hommes de science qui arriveront au 18e ou au 19e siècle. Je ne sais si Étienne va l'évoquer, mais si on déplace un peu si on part des coquillages et qu'on part des vertébrés, des invertébrés, des mammifères, des poissons, il y aura aussi ce même type de mystification taxidermiste avec les chimères, voilà, où de toute façon, on va créer des animaux qui nous arrangent, ou en tout cas des restes paléontologiques d'animaux qui nous arrangent. Ce qui est très clair, c'est que... Ou de géants préhuminiens, voilà. L'héritage des cabinets de curiosité de la Renaissance, on le retrouve à la fin du 19e et au début du 20e siècle, Barnum, dans ce qu'on appelait les dime museums, voilà, hein, les musées de 10 sous où on entassait les curiosités, avec les bizarreries. On y ajoutait de temps en temps une femme à barbe ou... Une sirène, voilà. Et est-ce que ça intéressait les artistes? Ah, énormément. Ah oui, de tout temps, ouais, de tout temps. Et alors... Plus étonnamment, plus que les artistes encore, je crois, les fous artistes. Alors évidemment, les fous peintres, les fous sculpteurs, les fous compositeurs qui vont se dire, bah, c'est intéressant, nous on va essayer d'éveiller un peu notre imaginaire et on va se servir de cette fausse science ou de cette science un peu abusive pour amplifier nos propres recherches. Oui, bien sûr. Et à toutes les époques, mais à la Renaissance, on est vraiment là dans le cadre... presque de la performance artistique, c'est prouver ses capacités, sa capacité à reproduire, voire à améliorer la nature. Mais plus tard, il y a aussi, si on prend par exemple au XXe siècle, les surréalistes qui avaient une grande fascination pour l'hétéroclite, les objets bizarres, etc. Il y a aussi ce discours sur le peu de réalité, c'est-à-dire tous ces objets nous proposent de modifier notre point de vue sur le réel, de sortir exactement des avenues qui nous sont imposés par le réel social. Il y a un homme formidable à notre époque qu'on aurait pu évoquer, c'est Ambroise Paré, avec entre autres son livre Des monstres. À quel moment on quitte la science pour être dans le domaine du merveilleux? Il est un des marqueurs d'ailleurs, Ambroise Paré. Dans votre livre, Éric Poindron, qui s'intitule L'ombre de la girafe, vous citez une page du journal d'Eugène Delacroix, qui a passé plusieurs heures au Jardin des Plantes, qui écrit ceci: « À mesure que j'avançais, ce sentiment augmentait. Il me semblait que mon être s'élevait au-dessus des vulgarités ou des petites idées ou des petites inquiétudes du moment. Quelle variété prodigieuse d'animaux et quelle variété d'espèces, de formes, de destinations. » Et il conclut en disant « D'où vient le mouvement que la vue de tout cela a produit chez moi? De ce que je suis sorti de mes idées de tous les jours, qui sont tout un monde, de ma rue qui est mon univers. Combien il est nécessaire de se secouer de temps en temps, de mettre la tête dehors, de chercher à lire dans la création qui n'a rien de commun avec nos villes et avec les ouvrages des hommes. » Oui, c'est étonnant ce texte, parce qu'on sait très bien que les peintres ou les sculpteurs, et pas seulement animaliers, vont entre autres à la ménagerie du Jardin des Plantes pour observer, pour redessiner, et puis on passe d'un observateur ou d'un type avec un trait très affirmé, très très talentueux, à presque un peintre qui se pose des questions, mais une conscience métaphysique. C'est assez étonnant. Voilà, comment on peut partir du trait pour se dire, après tout, je suis en train de m'élever. Et autre chose sur Delacroix, moi ce qui me fascine chez lui, c'est l'anatomiste, en fait. L'étude des chevaux, il y a un côté très illustrateur scientifique chez Delacroix. Et c'est vrai qu'il y a presque... Delacroix pourrait presque être le frère de Jean-Honoré Fragonard. c'est-à-dire dans ses études des animaux écorchés, et non pas le frère de Fragonard. C'est-à-dire, il y a une obsession de toute façon de comprendre le mouvement, de saisir la jambe du cheval, de saisir le muscle, et ils sont à leur manière, avec un crayon ou un peintre, presque des gens qui sont en dissection. Et qui se projettent dans l'objet. Et là, je fais le petit saut vers la citation que moi, je voudrais lire, qui est celle qu'Éric Poindron cite, note dans son livre, celle de Élisée Reclus. Un personnage singulier et très important dans l'histoire de la géographie française. Presque un scientifique et un poète. Mais je voulais la lire. Je vous laisse la lire, c'est très bien. Quand on aime bien le ruisseau, on ne se contente pas de le regarder, de l'étudier, de cheminer sur ses bords. On fait aussi connaissance plus intime avec lui en plongeant dans son eau. On redevient triton comme l'étaient ses ancêtres. C'est beau, hein, Reclus, hein, toujours d'une modernité, du plaisir, quoi, et du partage. Et je vois dans ce moment de poésie qui évoque aussi Shelley qui disait que le poète doit être capable d'être animal, feuille, tout ce qui bouge. Cette capacité de projection, je crois qu'elle doit exister aussi chez le scientifique quand il s'intéresse à un objet, son objet d'étude. Absolument, mais quelle est la place qu'occupe la girafe dans cette histoire? Depuis quand est-ce qu'on a pu voir des girafes dans nos contrées? Quel statut avait-elle? 15e siècle. Alors, les toutes premières girafes en Europe, il y en a eu une à la cour de Laurent de Médicis. Avant, c'était hélas les arènes romaines où elles étaient massacrées au même titre que d'autres animaux. Et la vraie première girafe qui arrive en France, c'est 1827. Donc la girafe dite de Charles X, puisque c'est un cadeau du pacha d'Égypte, un cadeau à la fois amical, mais aussi pour améliorer les relations entre l'Égypte et la France. Et les Français n'ont jamais vu cet animal gigantesque, miraculeux. Est-il méchant ou pas? Donc quarantaine oblige, évidemment. Et puis, ils vont découvrir quelque chose. D'abord, un animal qui est immensément poétique, doux, placide, mais qu'aucun peintre, aucun créateur n'aurait osé imaginer, à part peut-être le créateur céleste, s'il existe. Mais cet animal singulier qu'on évoquait tout à l'heure, qui pose des problèmes de boisson, d'oxygénation, de démarche, va émouvoir et enchanter les Français durant presque un an. La France va vivre. Il y a eu une folie d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait eu des coiffes à la girafe. Oui, une véritable girafe. Des cravates nouées à la girafe. C'était une girafomanie dans la société française. Tout a absolument existé comme objet décliné autour de la girafe. Je vous cite Borges, c'est vous qui le citez dans votre livre, Éric Poindron. On emmène un enfant pour la première fois au jardin zoologique. Cet enfant pourrait être n'importe lequel d'entre nous, ou inversement, nous avons été cet enfant et nous ne nous en souvenons pas. Dans ce jardin, dans ce terrible jardin, l'enfant voit des animaux vivants qu'il n'avait jamais vus. Il voit des jaguars, des vautours, des bisons et, ce qui est étrange, des girafes. C'est formidable, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cet animal que, encore au XVIIIe siècle, j'ai retrouvé des textes en disant « Non, non, l'animal est une invention. » Et puis il y a une si belle invention. Et il y a dans cette citation aussi une leçon de poésie, avec ce dernier temps et la girafe arrive. Borges n'étant pas le dernier des poètes, hein, un poète truqué à niveau de lecture. Mais la girafe continue de poser des problèmes scientifiques. Il y a eu un article récemment dans Pour la science, rédigé par Jean-Michel Courty et Édouard Kirlik, qui s'interroge sur la façon qu'ont les girafes de boire. Ah, c'est passionnant. Parce que quand on boit du jus d'orange avec une paille, on a des idées assez anciennes. On pense que la nature ayant horreur du vide, on aspire de l'air dans la paille, ça crée une sorte de vide, et comme la nature a horreur du vide, elle fait monter le liquide dans la paille. Bon, évidemment, cette idée a été renversée au XVIIe siècle par Galilée, Torricelli, Pascal. En fait, c'est la pression de l'air sur la surface du liquide qui, lorsqu'on crée une dépression dans la paille, fait monter le liquide. Mais quand on voit une girafe qui boit, avec un coude de 2,50 m, ça veut dire que son estomac est beaucoup plus haut que l'eau qu'elle aspire. Et je pense qu'on a tous l'idée qu'elle utilise son cou comme une très longue paille. Mais cet argument... Et ce n'est pas le cas, paraît-il. C'est pas possible, puisque la dépression qu'il faudrait créer dans ce cou serait tellement forte que la pression atmosphérique l'écraserait. Et donc... La girafe a inventé, c'est ce qu'expliquent les auteurs que je viens de citer, la pompe à piston. Magnifique. Et donc, est-ce qu'elle se met en danger quand elle boit? Non, pas du tout. Elle le ferait si elle devait remplir sa bouche, qui ne fait que 0,3 litres de volume. Elle boit 40 litres par jour en moyenne. Donc si elle devait remplir sa bouche, puis ensuite monter sa tête de l'altitude de l'eau à l'altitude maximale, ça fait une amplitude de 5 mètres. Je pense qu'elle tomberait de l'air. Elle s'évanouirait toutes les... Non, pour répondre à votre question, Thierry, c'est l'être humain qui se met en danger quand il boit dans les livres d'Émile Zola, notamment. Voilà. Je dis, ça doit prendre un certain temps, parce qu'elle boit énormément. Donc c'est un système quoi, Étienne, hydraulique ? Non, elle utilise l'œsophage comme étape intermédiaire, et ensuite la gravité. Un système hydraulique digne du château de Versailles. C'est beau. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors vous citez Marc Alain, qui est Marc Alain ? Marc Alain, c'est un poète, un grand poète, puisqu'on lui doit... Alain qui s'écrit A-L-Y-N. Voilà, c'est un poète d'ailleurs dont on peut trouver, pas l'œuvre complète, mais beaucoup de livres assez telluriques qui plairaient à Thierry Beauchamp aux éditions du Castor Astral. Des livres très inspirés, puisqu'il convoque encore une fois des poètes qui ont maille à partir avec la science. Je pense à Roger Caillois, je pense évidemment au Nerval, mais au Nerval alchimique, à Gaston Bachelard. Donc c'est un homme qui, de toute façon, a aussi un esprit encyclopédiste et il regarde du côté des sciences. Je sais plus pourquoi j'ai cité Marc Alain. Quand je serai grand, voilà une petite comptine. Quand je serai grand, je serai girafe pour être bien vu par les géographes. Oui, enfin, c'est magnifique cette petite comptine, cette chose qu'on a envie de chanter alerte. Et Marc Alain est un poète vivant, gigantesque. On lui doit aussi la création de la collection Poésie chez Flammarion, par exemple. Et il fut ami avec Mauriac et des gens qui avaient une importance. Mais quel rôle la girafe a-t-elle eu pour les géographes? Pour les géographes, elle a eu deux... D'abord, c'est ce que disait Thierry, il y a un personnage qu'on connaît, bien, évidemment, la translation de la girafe jusqu'à Paris de Geoffroy Saint-Hilaire. Mais avant ça, il y a eu un béotien, un homme qui était un peu désavoué par les milieux scientifiques, qui s'appelait Étienne Le Vaillant, et qui, lui, s'est dit, je vais plutôt aller faire mes propres observations sur place et rendre toute l'étendue, et j'insiste sur l'étendue de ses connaissances, de ses recherches, puisqu'il a vulgarisé par la suite ses connaissances scientifiques, ornithologique, à partir de dessins, en disant je vais rendre de manière pédagogique, avec des mots simples, au public tout ce que j'ai pu découvrir. Donc je pense que chez le géographe, c'est deux choses, c'est un fil d'Ariane évidemment, et puis c'est un joli prétexte pour le voyage ou le lointain, le dehors qui guérit, comme disait Stevenson. C'est un ornithologue. Hein, voilà, ornithologue à la base, amateur évidemment, donc très décrié des ornithologues spécialistes, mais il va rapporter tant et tant d'espèces et de spécimens qu'il aura, bien malgré lui, un peu l'avaloir des sociétés scientifique française du 19e siècle, déjà ne serait-ce que par toutes ses collections qu'il va donner à différents musées, à La Haye évidemment, Amsterdam, mais aussi Paris. Qu'est-ce que vous diriez si on passait un morceau de musique ? Amusons-nous. As-tu déjeuné, Jacques ? As-tu déjeuné, Jacques ? As-tu déjeuné, Jacques, La marche funèbre pour la mort d'un perroquet de Charles Valentin Alcan. Qu'est-ce qu'a choisi ce morceau? Thierry m'avait demandé de choisir un morceau et moi j'étais parti un peu facilement sur Madame Butterfly en écho à la couverture du Bal des Fantômes. Et puis il a retrouvé cette perle, hein, cet instant musical précieux dans l'ombre de la girafe que je cite en effet. Qui n'aurait sûrement pas déplu à Levaillant d'ailleurs. Ah ben, il y avait un raccord tout à fait parfait entre l'évocation de cet ornithologue distingué. C'est intéressant parce que c'est quand même un morceau fantaisiste, on va dire, amusant. Et ce qui me permet de dire que dans la littérature du non-sens, qui a toujours existé, mais qui a explosé à l'âge victorien en Angleterre avec deux personnalités que tout le monde connaît, surtout Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles et Edward Lear, ces animaux... Un peu singulier qui attirait les gens de la Renaissance. Et bien ils ont une seconde vie mythique en quelque sorte dans cette poésie, dans cette littérature là. Le dodo, le perroquet, l'hippopotame, la girafe, toutes ces choses qui paraissaient impossibles en fait pour des Européens, mais effectivement. Elles étaient là. Donc c'est leur singularité qui en fait des objets poétiques, en fait. Et puis c'est pour vous, Thierry, ou pour moi, mais des compagnons d'éveil, des compagnons d'imagination, pour de juste. Voilà. Mmh. Et c'est vrai qu'un perroquet, c'est certainement le plus joli complice de l'homme, puisqu'il ne parle pas au sens où on le croit, il nous converse encore moins, mais ça nous intéresse de nous arranger, de faire croire qu'une conversation est possible, et rendre hommage ainsi à un animal qui est mort et qui va manquer de toute façon à son propriétaire. Il y a de la peine derrière cette joie. Bien sûr, ouais, hein, c'est un mélange de fantaisie et d'émotion. C'est vrai non-sens. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde de la musique, il y a une tradition. C'est-à-dire que dans l'ombre de la girafe, on cite également cette marche funèbre pour un canari artistique décédé dans l'année à l'immense peine de sa propriétaire, hein, de Georges-Philippe Telemann. Ça, c'est pas mal. Un petit peu plus tard, au XXe siècle, il y a Lord Berners, un grand excentrique anglais qui composait des odes à son serein. Donc, il y a une sorte de tradition qui s'établit. Alors, pour revenir sur la girafe quelques minutes, c'est étonnant d'ailleurs parce qu'il y a eu, quand la girafe arrive à Paris, donc les Français sont heureux, ils la découvrent, il y a 350 000 personnes qui viennent la voir dans l'année au Jardin des Plantes. Puis après, ils se lassent, comme d'à peu près tout. Et les seuls écrivains qui ont vraiment écrit Stendhal a mis quelques lignes. Delacroix l'évoque, même si ce n'est pas un peintre, c'est aussi un grand écrivain, le journal de la Croatin. Mais il n'y a jamais de poètes qui furent inspirés par la girafe. Alors il y a eu des pamphlétaires qui ont un peu comparé l'arrivée de la girafe à Charles X, qui était un roi peu aimé et puis un peu violent. Mais jamais les poètes, pour de vrai, de manière un peu aquarelliste ou pointilliste, se sont servis. Et pourtant, il y a des poèmes... Superbe, on trouve en Angleterre Hilaire Belloc, mais ouais, qui était aussi un essayiste, mais dans ses poèmes amusants, on va dire, dans sa light poetry, une grande tradition anglo-saxonne, on trouve un poème sur une girafe, si ma mémoire est bonne. Mais est-ce que ce qu'on trouve dans les cabinets de curiosité à cette époque dépend des pays où on se trouve? Est-ce qu'un cabinet de curiosité en Angleterre ressemble à un cabinet de curiosité en France ou en Allemagne? Ah, je pense que relativement. Parce que c'était les routes maritimes. Voilà, c'est les routes maritimes qui faisaient la différence en fait. Mais il est certain qu'en Italie, il y a eu des choses extraordinaires. Mais les Habsbourg avaient des collections formidables. Oui, au Tirol, il y a un château là. Un pouvoir d'achat évidemment démesuré. Mais oui, tout ce que vous évoquiez tout à l'heure dans l'entrée, qui est vraiment très très belle dans votre texte de présentation. On peut prendre un cabinet. Alors, les Anglais sont pas parmi les plus grands spécialistes des cabinets de curiosité, mais que ce soit les Italiens, les Allemands, Autrichiens ou Français, oui, on voit les mêmes choses. C'est-à-dire que le rostre de narval que l'on prend pour un rostre de licorne, il existe aussi bien dans les gravures des premiers studiolo ou chambres des merveilles italiennes qu'ensuite dans les Wunderkammer jusqu'au 18e allemand. En Angleterre, ce qui est intéressant, c'est qu'à Oxford, il y a un musée, le premier musée d'histoire naturelle d'Oxford a été composé à partir d'une collection qui sont là chambre des merveilles. Des vrais capharnaüm. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'un musée, notamment un musée de science, c'est un cabinet de curiosité avec de l'ordre dedans? Ah oui. Bah, le plus bel exemple qu'on a tous pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, c'est le Conservatoire des Arts et Métiers, dans lequel il fait bon aller flâner, s'égarer, apprendre. Et il était encore plus beau, à mon sens, dans sa version primitive, quand il y avait effectivement cette chauve-souris d'Adair, ce fardier de Cugno, et puis évidemment toutes ces cornues un peu partout dans des pièces qui étaient un peu de guingois. Enfin, c'est le pendule de Foucault. Oui, c'est pas pour rien. Je pense que Umberto Eco a situé le début du pendule de Foucault face à cet instant de Léon Foucault qui supposait nous prouver que la Terre tourne. C'est ça, dans mon souvenir, Étienne. Est-ce que les cabinets de curiosité à version Renaissance existent encore, quelque part? Très très peu. Un peu en Allemagne, mais ils ont tous été détruits. On conserve évidemment aucune photographie et pour cause. Des gravures, beaucoup, quelques peintures, pas nombreuses. Et un des rares exemples de cabinet de curiosité, c'est ce que vous évoquiez. Le cabinet, c'est à la fois le meuble et l'espace, l'endroit. Et on a un fragment du cabinet de Bonnier de la Mosson au Jardin des Plantes. Mais un véritable cabinet de curiosité stricto sensu, il n'en existe plus. Il y a quelque chose de très intéressant à visiter, j'ai retrouvé ma référence, le château d'Ambas au Tyrol, qui restitue un petit peu l'idée qu'on peut se faire du cabinet de curiosité. Et il y a ce qu'on appelle les cabinets au sens strict du terme, c'est-à-dire le meuble de curiosité. Là, on en trouve. Donc, c'était des meubles qu'on ouvrait à tiroirs et qui étaient censés rassembler la somme des savoirs sous forme d'images, d'instruments, d'objets. On disait souvent que c'était l'instrument des instruments. Meuble à secret, meuble à... Et je trouve que ce meuble, d'ailleurs, symbolise assez bien l'entreprise poétique d'Éric Poindron. Meuble à système, comme on le dit, des cannes à système, qui sont à leur manière, les cannes à système, des espèces de cabinets de curiosité, voilà, dans lesquels on peut aller cacher des choses. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Est-ce que vous savez ce qu'est la bibliopathonomadie? Moi, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Je crois qu'il faut demander à Eric, parce qu'il est un peu le créateur de la notion. C'est l'égarement à travers les livres. C'est la définition que vous donnez dans votre propre livre. Et qui était le titre de l'égarement à travers les livres d'un livre publié par Eric. Et est-ce que ce serait la transposition, disons, littéraire du cabinet de curiosité? Oui, parce que je pense qu'on peut faire un vrai parallèle ou une véritable accointance entre le cabinet de curiosité et la bibliothèque, qui est à sa manière, de toute façon, une vraie bibliothèque, je pense, de scientifiques, de savants, de lettrés, de traducteurs. C'est un cabinet de curiosité. Simplement, l'objet devient typographique. Mais la typographie est aussi une forme d'objet. Donc oui, je crois que c'est la même chose. Je suis allé plus loin parce que j'ai inventé les notions et j'en ai parlé avec Alain Rey. Je crois que j'avais inventé un mot de 47 lettres ou quelque chose comme ça. Et Alain Rey m'a dit, ça tient en tout cas dans ses racines ou dans sa lexicographie, oniro, crypto, bibliopathonomadie, donc de l'égarement même, fiévreux à travers les livres qui n'existent pas, parce qu'il faut pousser aussi le jeu jusqu'à la mystification ou à la fiction. Mais oui, je crois que c'est la même chose. C'est borgésien, ouais. Mais je crois que votre bibliothèque est doit être aussi un merveilleux cabinet de curiosité, en tout cas de vos curiosités. Elle est de plus en plus mal rangée. Ouais. Et elle ne peut pas être la bibliothèque d'un autre savant, c'est pas possible, puisqu'elle a été fabriquée par vous, enfin elle a été façonnée par vous, y compris les livres qu'on n'a pas lus et que l'on connaît, ce que disait Eco. Mais Éric, il me semble que vous aviez en projet de composer un dictionnaire des œuvres qui n'existent pas. Ah oui, je trouve ça une très belle idée. Donc c'est un travail de longue haleine qui intéresse à peu près parce qu'il y en a beaucoup. Peu de personnes. Bah oui, c'est tous les jours, donc il faut annoter. Mais les autres auteurs qui n'existent pas, les livres qui n'existent pas. Alors oui, c'est Borges, mais c'est aussi de grands poètes portugais comme Pessoa. Enfin, les doubles, c'est toujours un bel instant. On n'est jamais déçu par ces doubles. Et dans ce livre de l'égarement à travers les livres, il y avait aussi cette fibre sherlockienne chez vous, Eric, et qui n'est pas sans rapport aussi avec une étape de la pensée scientifique. C'est-à-dire la logique de Sherlock, éliminer tout ce qui ne peut pas arriver, il vous reste la vérité, ce qui en fait, je suppose théoriquement assez faux. Oui, et pourtant ça pose le problème du niveau d'observation. Et pourtant ça fonctionne, je t'assure que ça a fonctionné en tout cas en physique dans beaucoup de situations. Mais même dans notre quotidien, moi je m'en sers tout le temps. Je perds mes lunettes dès l'instant où vous avez oublié l'impossible. Ce qui reste est obligatoirement la vérité. Et je retrouve mes lunettes, un crayon. Il m'est même arrivé de retrouver des amis dans Paris en essayant d'oublier les endroits où ils ne pourraient pas être. Donc il restait que ça, et ça peut marcher. Mais tout le problème, c'est la définition qu'on donne à ce moment-là à l'impossible. Voilà. Mais Sherlock Holmes n'étant pas un poète, lui, parce que vraiment, il a à peu près un dégoût, enfin en tout cas, Doyle lui fait en sorte qu'il ne s'intéresse pas à la littérature, à la poésie, mais c'est un scientifique, puisqu'il classe les... monographies sur les cendres de cigarettes, quelque chose d'assez poétique. Devenir apiculteur, c'est une certaine forme de science chez lui, puisqu'il a il écrit une monographie sur les abeilles, sur la vie des abeilles. Donc Sherlock Holmes, c'est plus un scientifique qu'un poète. Et vous parlez j'ai pas vu ça dans ce que j'ai lu de vous, mais vous ne parlez pas de Nabokov et des papillons. Oui, si, j'en parle beaucoup. J'ai écrit un long poème dans ce livre, et dans un prochain livre qui sort au mois de février, qui s'appellera Comment vivre en poète, 300 questions au lecteur, à celui qui écrit, qui est un livre gigogne. Je fais tout un travail sur Nabokov, sa femme Vera, et surtout sa double obsession, qui était d'un côté le jeu d'échecs, mais très exactement ce qu'on appelle le problémisme, c'est-à-dire l'étude, la rédaction de problèmes d'échecs, qui est un domaine d'exercice à la fois intellectuel mais aussi récréatif, passionnant, et puis cette observation et cette quête de la chasse du papillon, et là il rejoint parfaitement les scientifiques, c'est-à-dire non pas pour leur beauté, parce qu'il y a l'émerveillement évidemment chez le lépidoptériste, mais aussi trouver des espèces inconnues, ce qui lui est arrivé. Je trouve ça d'une grâce folle. Thierry Beauchamp, je vous ai présenté comme traducteur spécialiste des littératures irrationnelles. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une littérature irrationnelle? Ou alors, pour le dire autrement, qu'est-ce que c'est qu'une littérature rationnelle? La littérature irrationnelle, je dirais que c'est très souvent les littératures qui apparemment ne font pas sens. Donc, les littératures bizarres, excentriques, les fous littéraires. Je pense à Berbiguier et son livre sur ses farfadets. Berbiguier, du tas. C'est beaucoup les littératures inclassables, en fait, finalement. On appelle ça les littératures incongrues. Mais par exemple, il y a tant d'auteurs. Artaud en fait partie. Artaud, il est un peu borderline, on va dire. Mais c'est pas vrai, c'est pas la littérature irrationnelle. Non. Alors, je vais vous poser la question autrement. Si vous deviez construire un cabinet de curiosité littéraire, vous mettriez qui? Immanquablement Berbiguier Dutin. Tout à l'heure, quand on écoutait Alcan, quelqu'un que vous devez connaître, Thierry, Jean-Pierre Brisset, qui était un fou littéraire, mais dont on peut trouver des œuvres. Mais c'est quoi un fou littéraire? Excusez-moi de poser la question naïvement, mais. Oui, la définition d'un fou littéraire, selon Raymond Queneau, c'est un type qui va nourrir une œuvre. Alors, ça peut être une monographie, ou ça peut être 16 000 pages ou 25 tomes, pour de vrai, d'une œuvre qui est à peu près comprise que par lui-même, et qui pourtant fait état d'un émerveillement, évidemment hommage à la folie. Si on devait comparer pour le lecteur, on pourrait considérer que si le Ferdinand Cheval avait écrit, ce serait un fou littéraire par écrit. Alors les exemples, je parlais de Brisset était convaincu par exemple que l'homme descendait de la grenouille, et il expliquait que le croassement de la grenouille avait donné le quoi, et voilà, mais il en fait 16 000 pages par exemple, voilà, c'est pas, il y a des preuves à l'appui qu'il est le seul à comprendre. On lui avait décerné d'ailleurs de manière ironique le titre de prince des penseurs, mais André Breton lui a rendu justice en intégrant son anthologie de l'humour noir. Et il y a un grand spécialiste qu'on peut citer, saluer, qui est un homme passionnant, qui s'appelle Marc Décimo, qui travaille depuis toute sa vie sur l'œuvre de Brisset. Et le fou littéraire, ça, il peut être scientifique, il peut être poète, c'est évidemment souvent des gens qui nourrissent une grande paranoïa. Il y en a un autre qui est très célèbre, qui était prote à l'Imprimerie Nationale, qui s'appelait Nicolas Sirier. Il a écrit un livre inouï qui s'appelle L'apprentif administrateur. C'est un homme à peu près serein intellectuellement, et puis il a eu maille à partir avec son chef de bureau, dirons-nous, et il a décidé de faire un livre livre où il se venge, où il lui traite, il le voue aux gémonies, il le traite d'absolument tout, et ça donne à la fin une espèce de livre-objet avec des feuilles très bien dessinées, ce 19e siècle, et les écrivains savent dessiner au 19e siècle, et un livre qui est magnifique uniquement où il se venge de son supérieur hiérarchique. Voilà. Donc le fou littéraire, c'est celui qui part dans une autre contrée. Voilà. Et moi, je choisirais en premier lieu, je pense, un auteur que j'ai traduit, qui n'a écrit que deux livres dans sa vie, William Ernest Bowman. C'était un petit ingénieur civil, et un jour il s'est dit je vais écrire un livre. Il adorait aller se promener dans les montagnes du Pays de Galles ou en Écosse, et il a fait une parodie d'ascension de l'Himalaya, et c'est un livre totalement absurde, nonsense, on se croirait dans un texte savré. Et il a récidivé 2 ans plus tard en faisant une parodie des récits de survie genre Thor Heyerdahl sur le Kon-Tiki ou Alain Bombard sur son radeau. Et donc ce sont les deux seules œuvres qu'il a écrites. Elles sont totalement improbables, elles ne répondent à aucun canon. C'est ce très beau thème des voyages imaginaires et des empires et des lieux qui n'existent pas, quoi. C'est Manguel, c'est Guadeloupe, c'est notre cher Cyrano de Bergerac et les empires de la Lune. Voilà. Donc, à quel moment on est dans la science, dans l'utopie ou dans l'irrévérence magnifique? Mais est-ce que ça se rapprocherait d'une façon ou d'une autre de la science-fiction, par exemple? Complètement. Il y a des auteurs de science-fiction qui rentrent complètement dans ce cadre-là. On peut tout à fait considérer que Cyrano de Bergerac est un des premiers auteurs de science-fiction. Il va être rattrapé très vite par Maurice Renard, par exemple, puisque hier nous étions le 26 octobre, on célébrait cette nouvelle incroyable que vous devez connaître, Étienne, qui s'appelle Le brouillard du 26 octobre. Maurice Renard écrivait mille et un contes dans les journaux, bien avant Jules Verne, et il y raconte l'histoire de deux paléontologues, enfin, ils ne sont pas tout à fait paléontologues, mais presque, qui s'égarent dans la montagne de Reims, et puis d'un seul coup, un brouillard au coupeau arrive, les voilà complètement perdus, et quand ils sortent de brouillard, passe devant eux un ptérodactyle, et puis des hommes préhominiens, et ce brouillard les a fait revenir au temps préhistorique. Alors quand, avant le brouillard, ils voyaient au loin la cathédrale de Reims où l'on sacrait les rois de France, et puis de l'autre côté de ce brouillard, ils sont au milieu des premiers hommes. Et je vous raconte pas la fin, mais c'est une nouvelle courte de Maurice Renard à qui on doit les mains d'Orlac, enfin qui était un scientifique, à qui on doit le merveilleux scientifique, voilà, donc tout est dit. Donc on est toujours à cet instant un peu cristallisé, ou pas encore, entre poésie, science, incompréhension, quand ça bascule. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la littérature irrationnelle, ce sont toutes ces zones littéraires qui ne sont pas censées être de la poésie, mais où la poésie s'invite à la table. Il faut s'aventurer. Ouais. Messieurs, est-ce que c'est le moment de passer à un deuxième morceau de musique? Ah bah si le cœur vous en dit, oui. Sarà giunto, chi dirà, chi dirà, chi amerà. Madame Butterfly, j'imagine que vous souhaitez commenter. Ah, Thierry là a commenté, autre. Il a dit « Ah, enfin !» Et il n'est pas question de perroquet. Hein. Non, moi, j'avais choisi... Enfin, j'avais pas choisi, parce que c'est toujours difficile de décider de 2 minutes de musique sur la connaissance. Et ma compagne m'a dit « Madame Butterfly s'impose, voilà, des papillons. Voilà. » Parce que le titre, enfin la couverture du précédent livre d'Éric Poindron, Comme un bal de fantôme, qui est un livre merveilleux d'exercice d'admiration et de passage là aussi entre ses préoccupations, ses curiosités, ses rencontres, etc. C'est un ouvrage magnifique. Et donc il est question beaucoup de papillons et de fantômes dans cette idée de passer d'un univers à l'autre, de rentrer dans des dimensions temporelles et physiques différentes. C'est une expérience que de lire ce livre. Mais avec un peu de science, justement, si vous me le permettez, après une conversation avec un mathématicien ami de haut niveau, de qualité, je me suis amusé à écrire un hommage, un petit quelque chose à lui qui est assez court. Donc, un mathématicien ami qui s'appelle Stéphane Dugosson, qui enseigne dans les grandes écoles. Ah, mais je le connais. Voilà. Et que j'adore. Évoquerait l'équation de Dirac. L'impulsion de Dirac, le pic de Dirac, la relativité restreinte, l'électron, la poésie possible du quantique, qui sera développée parce que je crois qu'il existe des poètes quantiques, la vitesse de la lumière à l'instant où celle-ci exactement cogne la vitre et renvoie un rayon, à cet instant exact où la vieille balle de tennis cogne la raquette, l'instant unique de la rencontre sur le court en terre battue de l'enfance, le vivre sans souvenir et se promettre de ne jamais l'oublier. Un saint ami, saint Augustin, évoquerait la mémoire du présent, non pas la remémoration exacte, mais la construction nouvelle de l'ancien souvenir et le passé revenu qui redevient un présent. Qu'est-ce qu'en effet le temps? Qui saurait en donner avec aisance et brièveté une explication? Si personne ne me pose la question, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Saint Augustin, Confession 11. On a un petit peu progressé depuis Saint-Augustin. Quand heureusement. Même. Mais vous évoquez Paul Dirac, qui est en effet un physicien qui a révolutionné la compréhension du vide, notamment. Il s'est fait une image du vide comme un... On pourrait parler d'un cabinet de curiosité du vide, d'ailleurs. Lui, il a imaginé que le vide était plein de particules d'énergie négative, qui laissent des trous qui correspondent à l'antimatière lorsqu'elles sont excitées par un apport d'énergie. Et donc le vide, pour les physiciens aujourd'hui, c'est une sorte de foire à tout, puisque le vide dépend des théories physiques qu'on considère comme référence. Le vide quantique, c'est pas la même chose que le vide de la réalité générale. Ouais. Donc on pourrait faire un cabinet de curiosité complètement plein sur le vide. Un cabinet de curiosité poétique. Là, on commence à sonner comme un poète zen japonais. Hein, le plein ça. Du vide et le vide oui, du plein. Oui, le vide du plein. Le dehors et le dedans de Bouvier, voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on est moins curieux aujourd'hui qu'on ne l'était au 19e ou au 18e siècle? Alors, on va forcément faire une réponse à grief. Nous sommes des gens... Moi, je suis, j'espère, au mi-temps de ma vie, à 53 ans. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre en me disant c'est la moitié d'une vie, je donne ça. Et moi, je me savais curieux enfant parce que... Pas d'ordinateur, ça n'existait pas. Et cette obsession d'aller chercher dans les encyclopédies, dans tout l'univers, dans les bibliothèques municipales et surtout des peu de collèges que j'ai fréquentés, des informations, mais de manière obsessionnelle, compulsive, insatiable. J'ai parfois un peu à regret, je vois des jeunes gens qui ont des téléphones magiques dans la poche, parce qu'il n'y a pas d'autre définition à donner. On a absolument tout dans la poche, puisqu'on peut vous écouter, on peut s'écouter, on peut aller voir une vieille émission de l'INA, et tout simplement la définition d'un dictionnaire gratuit, et ils ne le font pas parfois. Moi, j'ai l'impression que les conditions de la curiosité sont réunies. C'est-à-dire, on n'a jamais eu autant de possibilités d'être curieux et de s'informer, mais qu'elles sont aussi assez abrutissantes. Elle est saturée. Voilà. Et puis peut-être, je ne sais pas comment c'était quand vous étiez étudiant en sciences, aujourd'hui on a accès à des revues de sciences tant et tant dans les kiosques à journaux, mais est-ce que ce n'est pas de la vulgarisation, mais où on ne prend pas justement au sérieux le lecteur? Voilà, un peu, on a un peu la même chose en psychologie. Moi, je regarde parfois les rayons psychologiques et je me dis, oh non, ce n'est pas ça la psychologie, enfin c'est quelque chose certainement de plus sérieux. Il y a un côté... on aseptise un peu la connaissance. Après, autrefois, c'était l'initiation, et là, c'est un peu de l'aseptisation. Après, ces magazines comme Science et Avenir, etc., sont les héritiers de ces revues d'édification scientifique. Science et Voyage, du 19e siècle. Ou même le magazine. Que lisait tous les jours Jules Verne. Le magazine, oui, parce que c'était un grand, il faisait une revue de presse tous les matins, sans sortir de chez lui. Mais est-ce qu'à votre avis, un scientifique doit être curieux? Je pense à des grands scientifiques, Einstein par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un qui était vraiment curieux, ou c'est quelqu'un au contraire qui avait un champ d'intérêt extrêmement restreint, mais qu'il suivait avec une ténacité incroyable. C'est vous le physicien, donc en fait, je suis sûr que vous trouveriez des mots plus ajustés que les miens, mais à l'intérieur de son champ obsessionnel, la curiosité est tout azimut et elle est beaucoup plus intense en fait. Oui, mais si on s'intéresse à tout, on se perd. C'est le problème, c'est pour ça que plus on se spécialise, moins on s'intéresse à ça. C'est vrai que vous êtes le mieux placé pour répondre. Oui, mais il se trouve que c'est vous les invités. D'accord. Je crois qu'il doit exister les deux, il doit exister des scientifiques. Alors, est-ce que ce sont des scientifiques, appelons-les savants, qui effectivement ont une espèce de spectre infini de la découverte et de la connaissance? Et puis Einstein, dans ce cas, qui lui est plus, comme le disait Thierry, quelqu'un d'obsessionnel et qui va peut-être avoir un champ illimité à l'intérieur d'un chemin qu'il s'est cherché. Et puis au XVIIIe siècle, on a encore une vue assez rudimentaire des différentes sciences, et donc les bases sont acquises par les savants un petit peu dans tous les domaines, et sont plutôt à la recherche d'une grande formule qui leur permettrait de tout englober. C'est l'esprit encyclopédique. Et je pense que la science au XXIe siècle est tellement pointue, tellement spécialisée, qu'elle en est plus à se poser des questions sur de méthode et de... Mais si on prend la physique, disons la physique moderne, qui commence avec Galilée, elle a quand même quelque chose d'assez étrange, par le fait que les lois qu'elle énonce sont des lois qui semblent absurdes quand on les entend pour la première fois, parce qu'elles semblent contredire l'expérience courante. Galilée nous dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Ce n'est pas ce que nous voyons. Il nous dit que si un corps n'est soumis à aucune force, il a un mouvement rectiligne et uniforme. Il continue indéfiniment en ligne droite. On n'a jamais vu ça. Et donc, il y a quelque chose d'étrange. Et moi, je m'étonne que cette étrangeté, qui est devenue classique, ne suscite pas autant de curiosité qu'auparavant. Et peut-être parce que les scientifiques n'ont plus le temps. Peut-être autrefois, justement, ce type de définition, encore une fois poétique, conférait un certain émerveillement. Peut-être qu'à l'époque, ce type d'affirmation, on essayait de la démontrer, au contraire, de démontrer qu'elle n'était pas possible. Mais est-ce que la clé, c'est pas l'émerveillement, alors, plutôt que la curiosité? Oui, mais les deux notions sont intimement liées, en fait. La curiosité prépare le terrain, en quelque sorte, à l'émerveillement, je pense. Si on revient, puisque vous évoquiez justement ces temps un peu anciens, mais pas tant que ça, les grands hommes, des gens comme Athanasius Kircher ou Pic de la Mirandole, on était persuadés que c'était à la fois des hommes lettrés et des scientifiques, et leurs contemporains, leurs témoins disaient ce sont des hommes qui savent tout, où ils ont absolument fait le tour de toutes les connaissances, qui étaient peut-être possibles, même si c'est invraisemblable, au XVIe ou au XVIIe siècle. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, le scientifique qui serait conscient, un homme qui va de toute façon avoir un fil de recherche. Donc Léonard de Vinci, c'est plus possible. Il faudrait qu'on trouve des noms, mais c'est vrai que lui est un beau contre-exemple d'homme complet. Ah, en tout cas, il est très représentatif de ce que voyaient les gens de la Renaissance à travers la science et l'art, en fait. L'art qui n'avait pas la même définition qu'on lui donne aujourd'hui. Hein. L'art, c'était l'application avec méthode, précision d'une technique, en fait. C'était donc la science, c'était un art. Témoignage et construction du monde. Ouais. Ouais. Messieurs, je vous remercie d'être venus nous parler de la curiosité, de tout ce qu'elle apporte. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration, justement, de Thierry Bouchon, à la technique Déborah Dagobert et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, pour ne pas dire immédiatement, vous retrouvez Christophe Onodibio pour Le Temps des Écrivains.